Claude Milambo, le chevalier de la parole. Christian Ingani, l'homme à battre. Le PDG lui par Télémy Mapangou. Motoko Mwenenga, Motoko Chola, Maemi Fakina Taïza, Kase Soanya Kanamo, Maemi Chitimba. Bito Bito Ven, Yumbo. Motoko Mwenenga, Motoko Chola, Maemi Motoka Kisaba Yokape. Jules Christian Lusakwe Ngaï Moumoye Yosukali Nabilei Sanki Batongite O Bako Kapete Aï Kiarie Kiari Tata Zambi Wadu Solo Kaleti Balaie Ngaï Moumoye Yosukali Nabilei Sanki Batongite Giseli Bako Kapete Aï Kiarie Kiari Tata Zambi Wadu Solo Kaleti Balaie Dragila, Mokoko Kabiso Jamin, Fonds monétaire de la jeunesse, DDP Gaïa Edgar Mopreso, Konzo le libérateur. Oza zombi, Oza na yo Dragila, Oza mono kinanga, Nana ya taweli bine. Oza zombi, Oza na yo Dragila, Oza mono kinanga, Nana ya taweli bine. Bebe mondongo akoma malere akoma na e azanga po baseka Laurence Christian okongu Oza zombi Oza na yo Dracula Oza mono kinanga Ngana ya taweli nye Mokonzi Mwene Mike Deni Joanina Denise My son Ingrid Dadu Yo mata musto etolo, se etolo mubo.